Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où j'ai l'immense joie de recevoir aujourd'hui Sébastien Passy. Bonjour Sébastien. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans les studios de Fadjet. Un vrai plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. Donc pour tes deux romans qui sont sortis très récemment, on va avoir l'occasion d'en parler. Tomber du ciel, volume 1 et Le ciel attendra, le tome 2. Volume 2, voilà. Voilà. Alors, comme d'habitude, l'émission va se dérouler à peu près sur le même schéma habituel. 5 questions qui te sont exclusivement consacrées. Coupure musicale que tu as choisie. Tu nous expliqueras pourquoi ces choix. Bien sûr. Et je préviens nos auditeurs que Sébastien ne sait absolument pas à quoi s'attendre avec ces 5 questions. C'est la surprise. C'est la surprise. Ouais. Alors, première question. Comment te vient l'envie d'écrire ? Surtout avec ton profil, tu es professeur de lettres, tu as étudié la musique. Est-ce que ça vient naturellement parce qu'on est professeur de lettres ou est-ce que c'était un rêve que tu avais, que tu as concrétisé ? Ça se passe comment dans ton parcours ? Alors, bon, j'ai été professeur de lettres, c'est dans une autre vie, le temps passe. Il y a longtemps, longtemps. Mais j'ai toujours été très, très curieux, puisque j'ai fait des études de sciences, des études de lettres, et j'ai toujours aimé lire, aimé écrire, et je tiens un journal depuis très, très, très longtemps. D'accord. Et cette histoire, donc l'histoire de Tomber du ciel, c'est le premier roman, je l'avais en tête depuis de nombreuses années. Okay. Et j'attendais, j'ai essayé souvent de l'écrire, j'ai commencé, arrêté, sans jamais réussir à aboutir à un texte fini. Parce que tu n'étais pas satisfait alors ? Parce que je n'étais pas satisfait, j'arrivais pas. D'accord. Simplement, peut-être les mauvaises modalités d'écriture. Et le confinement est arrivé. Et je me suis dit que j'allais avoir un petit peu plus de temps pour y réfléchir, plus de temps à y consacrer. Okay. J'ai changé mes modalités et puis le texte est né. D'accord. Sans l'idée de le faire publier, évidemment. Dans un premier temps, c'était vraiment... j'étais content d'avoir enfin terminé d'écrire l'histoire que j'avais en tête. Alors, justement, et donc ce sera l'objet de ma deuxième question, parce qu'on en parlait juste avant de commencer l'émission. Les textes pour... je ne sais pas si on dit deux romans ou un avec une suite. Ils sont très, très aboutis dans l'écriture, dans la construction narrative et dans le déroulé. En fait, tu fais des bonds dans le temps, passé, futur, présent. On a aussi une espèce de roman choral. Les personnages parlent entre eux, mais aussi chacun leur tour. Donc, ils évoluent aussi chacun de leur côté. Comment tu arrives à écrire ça ? C'est-à-dire que tu mélanges les époques, tu mélanges les époques, les personnages, et chacun vit aussi parfois ses aventures propres. Tout à fait, Alors comment on construit ça ? Moi j'avais l'impression d'avoir un puzzle à essayer de reconstruire en fait. C'était l'idée vraiment d'avoir un jeu avec le lecteur, que le lecteur construise avec moi l'histoire. D'accord. Mais tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on peut vite arriver à quelque chose d'extrêmement complexe, parfois de trop complexe. Oui. Donc l'idée de l'écriture, c'est de se dire on va naviguer entre trois époques, fin 18e, milieu 20e et de nos jours, mais il faut que le lecteur puisse suivre. Donc il faut des personnages extrêmement typés, des décors extrêmement typés, et puis donc c'est la préparation de l'écriture qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que le temps de l'écriture, il est assez réduit par rapport au temps de recherche, puisque c'est un roman quand même basé sur des faits, des personnages historiques. Et la construction du roman en elle-même, elle prend énormément de temps. Pour que justement ce puzzle, je dois d'abord l'assembler pour le désassembler et puis proposer au lecteur un cheminement. C'est plus gros du travail en fait, c'est plus toute gros la du travail. Phase préparatoire. Ouais, tout à fait, tout à fait. Okay. Ouais. On va faire une coupure musicale alors que tu as choisi, c'est Zina du groupe Babylone. Ouais. Alors pourquoi ce titre ? Alors pourquoi ? Parce que tout simplement ça me rappelle beaucoup de choses, c'est une belle chanson d'amour. Okay. Et puis j'aime bien la dédier à mon amoureux, donc je la lui dédie. Alors super, et puis nous on va le découvrir, à tout de suite. À tout de suite. ثاني متمني نكتب المكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصل وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام بعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي يا سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا سامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون لي داويني هي يا رياح ودين غامي سمعهم الحبيب يعرف حوالي هي يا زينة فهمي المعاني آمن ره راح بكل مولاه العالي Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission en compagnie de Sébastien Passy, qui est resté, donc c'est que tout va bien. Je suis toujours là, avec plaisir. On va passer à la troisième question. On ressent ton attrait pour l'occulte dans les deux romans. Moi, j'ai été subjuguée par cette personne-là qui dit entendre des voix de l'au-delà et qu'elle écrit dans... Voilà, elle entend Mozart, Brahms et encore d'autres compositeurs connus de manière intemporelle. D'où te vient cette attraction de l'occulte ? Alors, déjà, c'est une histoire vraie, hein, c'est-à-dire que l'histoire de Mary Rose Brown est vraie. Donc elle s'appelle dans la réalité Rose Mary Brown. Moi, j'ai un petit peu changé. Ben, c'est tout simplement en lisant un livre, un magazine sur la plage, un été qui relatait cette histoire-là. Je me suis dit, c'est quand même incroyable que quelqu'un qui est certes musicienne, mais qui n'a pas une formation de compositeur, puisse se dire qu'elle écrit sous la dictée de Prokofiev, Schubert, Mozart, Liszt, etc., et que les musicologues ne viennent pas à bout de cette énigme-là. C'était complètement fou. Et j'ai toujours aimé, moi, tout ce qui était un peu spiritisme, l'étrange. Parce que moi, c'est un truc qui me fait peur, mais c'est juste pas possible. Moi, je crois que j'aime bien parce que ça me fait peur. J'aime bien me faire peur. Je veux même pas savoir. Voilà, les films comme ça avec des esprits et trucs, je veux pas savoir. Et en fait, là, on se laisse emmener dans l'histoire. Voilà. Et puis en même temps, moi, j'ai essayé de donner une explication un petit peu rationnelle à cette énigme-là en liant les sociétés occultes, mais aussi les sociétés secrètes, puisque les francs-maçons sont là, il y a tout ce côté secret, un peu mystère, qui baigne l'histoire. Ok. Alors, tu parles justement dans le contexte des deux tomes donc de cette série, parce qu'on peut appeler ça une série. Tu parles beaucoup de la Fondation Mozart. Ouais. Alors, on voit ça un peu. Déjà, c'est très bien expliqué. Moi, j'avais l'impression d'y être quand tu en parlais dans le livre. Et puis, surtout, en tant que lecteur très extérieur, on ne se rend pas compte de tous les enjeux qu'il peut y avoir. Est-ce que tu as visiter cette fondation Mozart, est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Alors, c'est intriguant. Alors, elle n'existe pas. Enfin, je veux dire, elle n'existe pas à Paris, en tout cas. Ouais. Là, il n'y a pas d'antenne parisienne de la fondation Mozart. Donc, c'était justement ce jeu-là de mêler du vrai. Et parce que moi, j'y ai cru de vrai, oui, de vrai. Quoi. Ouais. Et il y a plein de choses. Voilà, les lecteurs me le disent souvent. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. Ils ont envie de savoir véritablement. Moi, j'aime bien jouer avec ça. Donc, la Fondation Mozart, elle existe en tant que telle, en tant que, qu'association. Elle est basée à Salzbourg, en Autriche. Mais il n'y a pas de fondation, d'antenne parisienne. Et tu as été la visiter? Alors, je n'ai pas du tout été la visiter. Ni Bormes les Mimosas, par exemple. Ouais. Les chapelles dont je parle dans le tome 1, je ne les connais pas. Mais aujourd'hui, avec les bibliothèques, avec l'Internet... Bon, on voyage depuis son fauteuil. Parce que la Fondation Mozart, alors moi, j'aurais parié tout ce que j'ai en me disant « Oh, mais si, ça existe, c'est là !» Et puis, il y a des descriptions de Vienne dans le tome 2 en particulier, de la cathédrale, du dôme. Voilà, je ne l'ai pas visité non plus, mais j'ai l'impression de le connaître très, très bien. Mais c'est vrai ce que tu dis avec Internet, Gallica, la bibliothèque en ligne. Et puis tous les... Maintenant, c'est vrai qu'avec des reportages très courts, en 6 minutes, on a l'impression d'avoir visité tout un musée. Exactement. Donc, on est vraiment emmené, en fait. Et puis, on a la chance d'avoir quand même un recteur qui a travaillé ici à Nancy-Metz, Gilles Pécou, qui est aujourd'hui ambassadeur de France à Vienne. Et voilà, donc, on est à la source d'informations quand même intéressantes, quand on a gardé des liens avec ses anciens chefs. Ça, c'est tes petits secrets à toi. Voilà. Alors, on va faire la deuxième coupure musicale que tu avais choisie. C'est La Cabra Mecánica, La Lista de la Campra. Ouais, alors ça, j'adore. Alors, je pense que c'est un groupe qui n'est pas très connu en France, mais qui marche très, très bien en Espagne. Là, c'est mon côté Iber qui parle. C'est une chanson très, très drôle avec des voix que je trouve très typiques. J'adore. Et puis, ça me met la banane le matin. D'accord. Eh ben, écoute, on découvre ça tout de suite. En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia, una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. El mar, cuando lo miro a tu lado, olvido las pateras, las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este infumable plato combinado. Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista, yo me quedo aquí a tu lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista, yo, y yo me quedo aquí a tu lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. diga que no. Siempre estás tú detrás de mi mejor yo. Y aunque no soy pa' ti, que soy pa' contigo. El mundo es tan redondo como el piercing de tu ombligo. Las cosas se pone dura sin tu aliento. Siento con amargura que estoy perdiendo la frescura. Que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura. Que tú, tú que eres tan guapa y tan linda. Y tú que te mereces un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado. Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan linda tú. Y tú que te mereces un príncipe, un dentista. Tú que tú te quedas a mi lado. Te quedas a mi lado. Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú, míralo. Caprice de lecture sur Fadjet. Dernière partie d'émission avec Sébastien Passy pour ses deux ouvrages. Il est toujours là, on l'entend. Donc pour ses deux ouvrages, Tomber du ciel et Le ciel attendra aux éditions Lavalette. Quels sont tes projets, Sébastien, pour l'année à venir ? Alors, bon, déjà, donc, terminer cette saga qui sera en trois volumes. Donc, okay. Voilà, sortir le volume 3 qui devrait paraître donc, pour le livre sur la place 2023. Et puis ensuite, prendre un peu de vacances d'écriture. Okay. Parce qu'écrire un livre par an, c'est beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup d'énergie, surtout quand on a un métier à côté, à plein temps. Donc, j'aimerais faire une année vraiment de respiration, pour avoir une bonne idée, pour... une bonne inspiration. Une bonne inspiration. Aussi. Et je ne sais pas si je vais continuer à faire des polars ou autre chose. J'aime pas trop les cases, donc je ne voudrais pas être dans une case d'écrivain de polars. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux essayer, ça ne marche pas, tu peux revenir. Exactement, c'est ça qui est super intéressant. Quoi. Donc, je ne sais pas. Pas d'idée encore. Ouais. Enfin, j'ai des idées, mais j'en ai plein. Oui. Pas une qui se dessine précisément. On verra bien. En même temps, je suis très attaché au personnage. Patrick, Martin, Lucie, j'ai l'impression. Et on s'y attache très vite. Ouais, ils font partie de nous. Quand on referme, ils sont encore là. Hein. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie d'aller les rencontrer. Mais il faut quand même les quitter. Dans le tome 3, on les quittera. Mais bon, je ne sais pas si l'un ou l'autre pourra se retrouver. Dans une nouvelle aventure. Exactement, on verra, on verra. Donc on garde le suspense. Voilà. On sait juste que tome 3 pour le livre sur la place 2023. Exactement. Et après, je viendrai t'en reparler, ça. Ah, super. Ouais. Je suis ravie. Alors, pour terminer cette émission, comme le veut la tradition de Caprice de lecture, est-ce que tu peux nous présenter le caprice de la semaine ? Alors, moi, mon caprice, je ne sais pas du tout si d'autres l'ont eu avant moi, mais en tout cas, vraiment, mon coup de cœur de la rentrée, c'est aussi une auteure qui est née à Villerue, comme moi, qui s'appelle Céline Rigui et qui a écrit un livre qui s'appelle Berlin. Je rêve de l'inviter et elle n'est pas dispo. Et voilà, elle a écrit Berlin aux éditions du Sonneur. Oui. C'est un livre, mais vraiment magnifique. Donc, elle était sur la liste des finalistes du prix Hakman Chatrian, qui était attribué lundi. C'est un livre à la fois avec une écriture extrêmement poétique, très fluide, très dense, plein d'émotions. Et elle réussit un exploit, c'est-à-dire de faire parler donc, quelqu'un qui est coincé sous une berline à wagonner au fond de la mine. Et elle réussit, dans cette immobilité, dans cette noirceur, à faire revivre sa vie, ses difficultés, ses joies, ses bonheurs, ses ambitions entravées. C'est une espèce de huis clos avec soi-même. Exactement. Ouais. Et c'est d'une très, très grande beauté. Ouais. Voilà. Elle est très sollicitée et malheureusement, elle ne peut pas venir. Bon. Mais je suis ravie que tu l'aies présenté parce que c'est un bijou. Et si je peux avoir deux caprices ou pas ? Allez, que c'est toi. Et le deuxième caprice, c'est aussi un livre d'une auteure qui est originaire de Toul, qui s'appelle Geoffrine Donadieu. Oui. C'est Chienne et Louve, chez Gallimard. C'est son deuxième roman. Elle avait écrit Histoire de France il y a quelques années, 2019 peut-être, ou 2020, je ne me souviens plus. C'est aussi là une écriture, on est face à une auteure de très grand talent. On le sait dès les premières lignes. Et son histoire, très sombre, elle va vraiment dans les tréfonds de l'âme humaine. C'est vraiment une écriture très viscérale, mais c'est magistral. Et je recommande aussi Chienne et Louve de Geoffrine Donadieu. Très bien, donc on retrouvera ces deux conseils très vite dans Caprice de lecture sur Fadjet. Sébastien, je te remercie infiniment d'être venu dans les studios pour nous présenter tes livres. Ben, j'étais ravie de te recevoir. C'est un plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux Caprices de lecture. Au revoir.